vous êtes assez fait. 89. Attention, cher public. La sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bonjour cher public et bienvenue à une toute nouvelle émission de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de C'est fou 89.1 où rigueur journalistique rime avec bonne humeur, en compagnie de moi-même Sébastien Gartin, Lucas Hubert. Bonjour. Et notre invité d'honneur de cette semaine, Mathieu Plante. Hey, bonsoir messieurs. Donc, comment s'est passée votre semaine messieurs? Ben Mathieu, toi, moi, comment ça va? Tu veux que je commence avec ça? Ben, pas, absolument. Je m'en vais parler de mon chat aujourd'hui. Moi. Ah ben oui. Pour, je me suis dit, tu sais, pour être de bonne humeur, faut que je parle de mon chat. Absolument. Hein? C'est une marque de commerce chez moi. Je m'en vais chez le vétérinaire tantôt. Juste après l'émission. Ça va être le fun. Donc, dans genre 2h30, j'ai rendez-vous à Québec. Donc, on va se dépêcher. OK, ton vétérinaire est à Québec. C'est ça, apparemment. Pour son œil, pauvre petit chat. Fait que c'est ça que c'est passé cette semaine. C'est plate, hein? Maintenant, on saura tous que Mathieu n'est capable que des chats aveugles. Bon, ensuite... Excusez-la. J'en fais rarement, c'est la relâche. Avec ça. C'est la relâche, t'es en robe de chambre, tout ça. Fait que, ouais, effectivement. Je m'en permets. Beau moment de radio. Lucas est vraiment en robe de chambre et en pantoufles. C'est drôle parce que tantôt, quand il est venu au local juste à côté pour me montrer son habit, j'avais même pas remarqué tellement que ça a l'air juste normal. Tout le monde s'habille tout croche de nos jours, faut dire. Ben là, on est à l'université quand même, hein? Check le vieux qui chiasse. Hey, ils sont en jogging! C'est quoi la différence entre un jogging et une robe de chambre? Beaucoup en fait, là, ça habille pas la même partie de l'anatomie. Mais bon. Tu peux bien avoir un chat. Sinon, je passe une belle semaine de relâche. Je suis allé samedi à Montréal. J'ai écouté un spectacle de Kid Kuna. Oh. Kid Kuna a sorti son dernier album. Ça s'appelait Mes voyages d'hiver. Dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une pièce de Schubert. Qui s'appelle Mes voyages d'hiver, mais en allemand, je ne sais pas comment ça se dit en allemand, c'est pas grave. Le Frischenflagenden. Quelque chose comme Rieur, ça. Rieur, monsieur, rieur. Ben oui. Puis dans le fond, il a pris bonne ça, humeur. Il a enlevé les paroles en allemand, puis il a fait de la poésie en joual. Ah. Puis il a fait avec ça un spectacle qui est extrêmement théâtral. Ça l'avait été nominé d'ailleurs pour la meilleure mise en scène. C'était vraiment intéressant. Donc, ça a déjà été ça ma semaine. Sinon, dans l'actualité, je sais pas si vous avez suivi un peu ce qui est arrivé avec Djemila Benhabib. Ouais, OK. Pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas, j'ai déjà une certaine inimité, disons, avec Djemila Benhabib. Mettons que vous avez une histoire. On a une histoire. En fait, dans le temps que j'étais simple reporter aux ondes campus, on m'avait envoyé couvrir une conférence qu'elle donnait. Et disons que l'article que j'avais fait, sans être un texte d'opinion, était pas très sympathique parce qu'en fait, je faisais du fact-checking puis je voyais qu'en fait, les trucs qu'elle disait, il y avait carrément des faussetés. Tu la contredisais. Je la contredisais, mais sans nécessairement prendre position, simplement en disant des faits. Exposant des choses. En exposant des d'ailleurs, choses. Rappelons c'est le rôle que le ton de l'article était très neutre. Là, on s'entend, c'était un bon article journalistique. D'ailleurs, il est disponible sur le blog du Zone Campus. Merci. On va faire une plug en commençant. T'as jamais fait ça, des plugs, toi, voyons. Jamais. Moi, je fais jamais ça. On est d'ailleurs jeudi 13h. Hashtag jeudi 13h. Pour ceux qui écoutent, qui m'écoutent à l'assemblage requis. Oui. Bref, suite à cet article-là, elle était venue me voir sur mon Facebook, puis sur mon mur, elle m'avait traité de vide et d'insignifiant. Et boy! Ben oui, mais ça, il y avait eu d'ailleurs, en fait, c'était assez impressionnant. Il y avait comme une certaine beauté là-dedans de voir. C'est quand même une personnalité publique. Elle s'est déjà présentée pour le PQ. Je veux dire, c'est quand même une personne relativement en vue. À peu près tout le monde sait c'est qui, Djemila Benhabib. Et elle, de venir bassement sur la page Facebook. Oui, elle t'a poké. Journaliste étudiant. Elle t'a poké par Djemila. C'est ça. De venir crier des noms. Puis c'était honnêtement. C'était effrayant. Bref, cette semaine, le conseil de presse l'a accusé, l'a blâmé pour plagiat. Et j'ai joyeusement partagé l'article du conseil de presse. Et elle m'a enlevé de ses amis Facebook. Et elle m'a bloqué de sa page Facebook. Et elle a effacé ses commentaires où c'est qu'elle m'insultait, justement. Ah, tu vois, ça, c'est quand tu n'assumes pas tes propos. Qu'est-ce que tu fais? Tu les enlèves de Facebook. C'est ça. Mm-hmm. Fait que maintenant, si on retourne quand j'avais posté mon article de l'automne passé, ben j'ai l'air de discuter tout seul. De manière très polie, d'ailleurs. Ouais. c'était un peu ce que j'essayais d'en venir tout à l'heure puis que je venais pas vraiment. C'est que c'était beau de voir une personnalité publique assez en vue puis tout, être dans la basse insulte, puis toi qui es juste « ben non, j'ai vérifié telle chose, voici mes sources, puis je trouve que vous m'accusez de certaines choses, puis vous me faites des accusations. » Merci pour tes fleurs, Sébastien. Mais c'était quand même ça, tu sais. On pourrait dire que Jamila Benhabib, Lucas Hubert, il a mis l'homme à sa place, j'essaie de... Bon, ça commence. Mathieu, l'homme à la langue d'or. Juste un peu après le tour de table, je vais te présenter en bonne et due forme, Mathieu, tu vois. Mais bon, Jamila n'a pas laissé les choses comme ça. Elle n'a pas accepté de se faire comme ça, bassement traîner dans la boue. Fait qu'elle a répliqué. Elle a écrit un article sur Facebook parce qu'étrangement, Sympatico ne la laisse plus publier des articles depuis qu'elle s'est fait prendre ben, pour plagiat. En fait, ça, c'est vrai, puis ça ne l'est pas. Là. C'est qu'ils ont quand même ils ont fermé la section, simplement la section, mais. C'était pour le gag. Tout est dans tout, tu sais. Ouais. Mais, bref. Bon, c'est ça. Elle a accusé le conseil de presse. En fait, c'est vraiment drôle parce que sa réplique, elle se fait accuser de plagiat, elle se fait blâmer pour plagiat et sa réplique est, bon, de un, elle dit que la plaignante, celle qui a posé plainte pour plagiat avec 9 textes, finalement, le conseil de presse en a vérifié juste 5 et pour les 5, ils ont dit, ben oui, il y a du plagiat. Mm-hmm. Bon, elle a dit que, premièrement, celle qui a déposé l'accusation est une ennemie idéologique. Puis que, bon, dans le fond, le conseil de presse a refusé de tenir compte de ça, ce qui est totalement dans le fond, naturel. Si on fait un parallèle avec le droit criminel, les seules personnes qui ont le droit d'accuser quelqu'un de meurtre, par exemple, c'est leurs amis. Effectivement. Effectivement. Mm. Moi, l'analogie que j'allais faire, c'est comme si moi, j'étais souverainiste, que je cambriolais un dépanneur et qu'un fédéraliste me surprenait à le faire, puis qu'en cours, je me défendais en disant « on sait bien, il est fédéraliste ». Le juge serait d'une hilarité, ma foi. Ben, absolument. Ensuite, c'est un bon sketch, ça. Oui, ça fait un très bon sketch, en fait. Ensuite, bon, elle a fait du joli dog whistling. Dog whistling, ça, c'est quand que on dit quelque chose sans le dire. Elle a dit « j'aimerais bien vérifier qui a financé la plaignante pour qu'elle fasse toutes ces recherches-là, pour voir. T'sais, sous-entendu, elle est probablement financée par des méchants musulmans. Mmh. Ah ben c'est sûr. Eh ben c'est sûr. Parce que on s'entend, tu sais, l'ISIS présentement, il attaque l'Occident juste parce qu'ils veulent atteindre Jamila Benhabib. Ben c'est probablement ça, oui. Ensuite, elle a dit aussi que le conseil de presse est à la solde de groupes fédéralistes comme la presse et de Radio-Canada, malgré le fait que très régulièrement, ces deux groupes-là ont aussi des blâmes. D'ailleurs, ce qui est très drôle, soit dit en passant, parce que là, on peut faire une belle revue de presse de tout ça. D'ailleurs, il va en avoir une sur notre page Facebook au courant de la fin de semaine. Mais le texte duquel je vais parler là, il ne sera pas. Mais dans le journal de Montréal, il y a un blogueur qui a carrément pris la défense du conseil de presse. On s'entend dans le journal de Montréal, ouais, qui se sont eux-mêmes retirés du conseil de presse. Qui dit en très très gros, qui dit d'ailleurs, lui, il est quasiment du côté idéologique de Jamila Benhabib, puis qui a dit lui-même, il dit ça. Ses contre-arguments à elle ne se tiennent pas. Ce qui est très drôle là-dedans, c'est qu'elle a fait aussi un appel aux laïcs de ce monde de la soutenir. C'est comme, vous êtes laïc, vous devez soutenir le plagiat. Évidemment. Évidemment. c'est connu. Les deux non, vont mais, ensemble. C'est pas exactement ça qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit, c'est que le plagiat qui aide la laïcité, on devrait le soutenir si on est laïque. Okay. C'est quand même une nuance. Merci pour la nuance. En fait, ce qui est très drôle aussi, c'est qu'elle a dit... je vais vous citer la phrase, une des phrases qu'elle s'est fait accuser d'avoir plagié. Okay? C'est une phrase qui est assez... la phrase, c'est « Il faut rétablir la démocratie dans ses droits, la laïcité dans sa force et enseigner à nos enfants les valeurs et les principes universels. » On s'entend que c'est dur de dire que par hasard, t'as pris cette phrase-là qui est exactement la même de dans quelqu'un d'autre. Mmh. Mais dans sa défense, c'est drôle, c'est que Jamila a dit « M'accuser d'avoir plagié cette phrase-là, qui est extrêmement commune, c'est comme m'accuser d'avoir utilisé... C'est comme m'accuser de plagiat parce que j'aurais dit « Je me souviens. » Je me souviens. C'est ouais. Même chose. C'est un bon argument. Même chose, hein? Même chose. Mais bref, hier, il y a le conseil de presse qui a répliqué à Jamila. Dans une lettre, on va la poster si Sébastien est d'accord sur la page. Ben, effectivement, c'est une beauté. C'est la présidente du conseil de presse qui répond. Premièrement, il dit qu'ils sont neutres puis qu'ils s'en foutent de l'identité de la plaignante. Il dit on ne commence pas à vérifier ces affaires-là. Mm-hmm. On dit on fait quoi? Il ne faut pas tenir compte d'une plainte légitime si elle est passée par une personne qui ne l'est pas. Mais on fait quoi si on a une plainte illégitime par une personne qui est légitime? T'sais? Effectivement. Ils disent que Jamila elle-même, là, il cite Jamila dans d'autres articles où est-ce qu'elle dit elle-même Effectivement, j'ai manqué de rigueur. Écoute, va falloir que je fasse attention. Est-ce qu'elle a copié ses excuses de quelqu'un d'autre? C'est ça qu'il faut aller voir aussi. Ah, va falloir vérifier ça. Puis, ils finissent en disant qu'elle dit que le conseil de presse n'a pas tenu compte de la différence entre un blog, un article ou une chronique. Et, ben, il n'y en a pas. Moi, j'imagine juste... Le plagiat n'est pas plus justifiable dans un coup que dans l'autre. J'imagine juste Richard Martineau applaudir à ça. Ouais, mais bon, toi, Sébastien, ta semaine? Moi, ma semaine, ben, moi, j'ai appris cette semaine qu'écouter Radio-Canada est un crimineux. En fait, apprécier Radio-Canada. J'ai donc décidé de diversifier ce que j'écoute parce que j'avais pas envie de me faire traiter de majorette par Mario Dumont. Le résultat, c'est que j'ai finalement décidé de devenir un criminel haineux et d'encourager Radio-Canada pareil parce que honnêtement, TVA, ça m'écœure. Là, je fais référence évidemment à l'incident Mélanie Joly-Mario Dumont dans lequel... c'était drôle, ça. Dans le fond, des journalistes demandaient à différents politiciens, surtout fédéraux, différentes questions, clairement pour les piéger. Mélanie Joly, on le sait, est un peu naïve des fois. Puis elle a répondu tout bêtement, « Ben moi, c'est vrai que je préfère Radio-Canada à TVA. » Puis là, ben il y en a qui ont pris ombrage de ça puis qui ont dit la ministre de la culture puis de, je me rappelle plus toutes les autres épithètes qu'elle a, patrimoine, est supposée de défendre tous les joueurs et non seulement un joueur. D'ailleurs, ça, là, je cite presque Mario Dumont à son émission qui disait... particulièrement ne pas encourager un joueur qui déjà bénéficie de immensément beaucoup d'aide du fédéral. C'est sûr que Radio-Canada bénéficie d'aide du fédéral. C'est une société d'État. On s'entend. Donc là, je déplore beaucoup ça. À cause de ça, ben justement, j'ai dû me taper un peu de VTL et de TVA, ce qui m'a un peu tombé sur le cœur. Puis je parlerai même pas de la radio. Puis donc, c'est ça. Puis en plus, ça m'a fait encore un plus gros tort que ça parce que j'ai été obligé d'être d'accord avec Nathalie Petrovski. Oh! Ça, c'est pas le fun non plus, ça. Ah, parce que Nathalie Petrovski a écrit dans la presse à ce sujet-là, puis en très, très gros, en fait, les arguments que je viens de vous dire, ça vient presque tout de elle. Appelez-moi Jamila si vous voulez. Mais c'est ça. Donc, moi, ça a été ça ma semaine. En fait, j'ai finalement appris que j'étais pour les crimineux dans ce cas-là, puis ben, c'est ça. Moi, je m'assume bien gros avec ça. Vive Radio-Canada, Colin. Vive, c'est ben, fou aussi, c'est d'ailleurs. Tant qu'à y être, là. C'est fou, Radio-Canada, même combat. C'est ça. Fun qu'on ait terminé par presque des châtiments envers toi parce que t'es criminel. Moi, on a commencé avec ma chatte. Fait que ça fait chatte et châtiment, on dirait un roman. Oh, imagine mon plan! Wow! Donc, on serait rendu à notre champion de la semaine! Ooh. You are the best, but you say you don't know. You got the touch, now come on, let it shine. Oui, alors donc, qui est-ce? Donc, ben, avant, comme mais toujours, dis-moi, je ne peux plus, là! Ben, calme-toi un peu, okay, on va okay. l'expliquer, oh, c'est oh, quoi, oh, premièrement. Oh. Le champion de la semaine ou la championne de la semaine, c'est un segment qu'on fait toutes les semaines. Ah, oh, c'est ça l'affaire à chaque semaine! Exactement. C'est pour ça que ça dit de la semaine dedans. C'est ça. OK, je viens de le comprendre. On voit que Mathieu est vraiment un auditeur assidu de notre émission, normalement. Moi, je dis qu'on l'invite plus. Vraiment. C'est, au pire, on se casse son segment. Puis... En tout cas, moi, j'ai entendu dire qu'on ne m'avait pas invité comme premier choix. J'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait eu la demande avant moi, puis qu'on m'a pris comme backup. Mais bon, tu vois pourquoi? Donc, c'est ça, le champion de la semaine ou la championne de la semaine, c'est tout simplement quelqu'un dans l'actualité qui s'est démarqué par ses propos ma foi, qui honore l'humanité et particulièrement notre politique québécoise, évidemment. J'ai appris un nouveau mot cette semaine. Je peux l'utiliser pour décrire la personnalité de la semaine. Inat. Inat. Inat. C'est un synonyme de inutile. Ah! Super intéressant. Mm-hmm. Tu peux continuer, je m'excuse. Donc, c'est correct. Donc, c'est ça, dans le fond, c'est évidemment très ironique quand je dis que sa gloire retombe sur l'ensemble de l'humanité. Cette semaine, notre championne, c'est une championne de la semaine, d'ailleurs, c'est très important de le spécifier, parce que c'est la ministre Lise Thériault. Parce qu'on est pour la parité homme-femme ici. Exactement. C'est pour ça que tous nos invités d'honneur à date sont des hommes. Félicitations. Mais oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça ce que Lise Thériault nous a dit. Lise Thériault, c'est la récemment nommée au poste de ministre de la Condition féminine. Et dans une tirade un peu surréaliste, s'est dit contre le féminisme. En fait, elle a dit qu'elle n'était elle-même pas féministe parce qu'elle disait, dans le fond, le féminisme, c'est une notion dépassée. C'est relié avec beaucoup de haine des hommes. Elle se dit plutôt pour l'égalité. Donc, voilà, on le sait... C'est pas le même combat, hein? Ben, c'est ça, pas du tout. Je pense, Lucas, tu peux même en parler d'un petit peu rapidement. Pourquoi est-ce que c'est une petite guéguerre sémantique un peu... C'est une guéguerre sémantique, en fait. Ce que beaucoup de gens disent, c'est que, justement, le terme féministe, en soi, prend position dans une supposée guerre. Je sais pas c'est quoi la guerre, là, mais bon, ça prend position, puis qu'il faudrait plutôt se dire égalitariste et non féministe. Comme si on pouvait comme oublier l'histoire de l'humanité, ben, en fait, où est-ce que c'est les femmes qui sont oppressées, puis que c'est elles, pour atteindre l'égalité, c'est les femmes qui doivent se libérer. En fait, les stéréos disaient que le terme féministe, les féministes sont généralement des extrémistes radicales et ainsi de suite. Donc, les féministes extrémistes, pour reprendre le titre de Patrick Lagacé ce matin. Puis, en fait, si on prend ça vraiment au pied de la lettre, si on veut y aller dans la petite guéguerre sémantique, l'égalitariste, en fait, est beaucoup plus radical que le féministe. Parce que le féministe, ce qu'il veut, en gros, c'est que dans l'actualité et dans le futur, les femmes aient les mêmes opportunités que les hommes, réellement, pas seulement en termes de loi. Or, l'égalitariste, ça serait... Donc, si on restait vraiment là, au ras des pâquerettes et qu'on reste vraiment avec l'étymologie du terme, ben un égalitariste voudrait que, en fait, que les hommes vivent tout ce que les femmes ont vécu aussi. Donc, dans le fond, il faudrait inverser les rôles pour que les hommes aillent, mettons, des dizaines de milliers d'années de je cherche mes mots, hein, d'oppression. D'être ramené au second rang, d'être considéré comme une minorité à l'intérieur de l'humanité, ainsi de suite, d'être considéré plutôt pour leur corps que plutôt pour leurs idées. D'être exclu des décisions. D'être exclu des décisions, évidemment. Donc, les Blancs devraient être esclaves aussi pour le reste de... Oui, exactement. C'est en tant qu'égalitariste. Donc, c'est all lives matter. Ben voilà. Hashtag all lives matter. Donc, c'est pour ça que les égalitaristes, en fait, qui se drapent dans leur robe, nous autres, dans leur modération, dans le fond, qui disent, nous autres, on est bien plus modérés que les féministes, par exemple, ou que les gens qui militent pour les droits des Noirs, ou ainsi de suite, c'est pour ça qu'en fait, c'est probablement des radicaux hypocrites, dans le fond, ou déguisés, tu sais. Donc, Dans le fond, la ministre veut renvoyer tous les hommes à la maison pour qu'ils prennent soin des enfants, oui. Pour qu'après ça, les femmes puissent prendre le pouvoir et avoir des carrières et imposer des lois, imposer un contrôle sur le corps des hommes, tout ça. Ah, ben c'est moi, ça son, bière, son moi, agenda sandwich. Secret. C'est exactement ça, c'est et ça. Merde. C'est exactement ça. Elle cache bien son jeu. Effectivement, elle cache très bien son jeu. Puis on le sait, elle-même, elle l'a dit. Son argument, c'est qu'elle dit les femmes à cette heure, il n'y a plus d'entrave légale au fait que les femmes puissent participer à la société de la manière qu'ils veulent. Donc, c'est vraiment une question de volonté dans sa tête à elle, de les femmes réussissent ou non. C'est sûr qu'elle est effectivement une femme qui a très réussi dans le sens le plus strict du terme. Elle est partie de presque rien. Elle a fondé une business avec son conjoint à l'époque. Elle est devenue très active dans les milieux des affaires à Montréal pour finalement être élue au gouvernement, pour finalement être ministre. Elle a été ministre de la Justice, entre autres, d'ailleurs. Ouais. C'était justice, hein, elle? Je l'ignore. Mais c'est ça, c'était elle d'ailleurs qui revient d'un congé de 3 mois parce qu'elle a fait un genre de burn-out d'ailleurs dans ce rôle de ministre-là. Puis donc, c'est ça, on peut pas dire que son œuvre ne mérite pas reconnaissance. Mais elle se considère comme une self-made woman. Puis si elle a réussi à percer, ça veut dire qu'il n'y a aucun obstacle pour aucune femme. Donc, le féminisme est... Ce qui est un petit peu égocentrique. Puis, on s'entend, comme l'ont fait remarquer plusieurs commentateurs, dont Judith Lucier, notamment dans le journal Métro, il ne suffit pas de faire preuve de volonté et de se rendre. Tu sais, c'est la plupart des grands gains du féminisme traditionnellement, c'est parce que c'est des groupes de femmes qui sont opposées à ça. C'est pas... tu sais, un bon exemple, le droit de vote, le mouvement des suffragettes, ils sont pas juste mis toute la gang de dire « Moi, j'ai la volonté de venir voter, fait que je vais me pointer voter pareil, même si j'ai pas le droit. » Puis, soudainement, le droit de voter est devenu un fait. C'est pas ça du tout. Les là. Radicales sont nécessaires. Bien, à un moment donné, pour faire avancer les choses, c'est sûr que ce qui n'est pas le fait actuel va être nécessairement conçu comme radical. Puis bon, on a beaucoup galvaudé le terme récemment, je crois. Galpoute même, on a mis du fromage. On a mis du fromage puis de la sauce brune. Merci Mathieu. Ça me fait plaisir. On a même mis des petits pois. Des petits pois, incroyable. Mais l'hystério, là, c'était pas elle qui était au chaud de la rentrée. Ah non, ça c'est extérieur. Ah, c'est pas elle qui rince des bouches, non, ça c'est l'hystérine. Tu vois, c'était mes deux jeux de mots que je voulais placer. T'en avais. Moi, je les avais en prêt. Merci Mathieu. Bon, Mathieu, c'est qui ça, Mathieu, hein, qu'on entend juste tantôt qui dit des niaiseries? On serait rendu, c'est ça, notre segment invité d'honneur. J'ai pas d'intro, moi. Non, t'as pas d'intro. T'as un intro pour ton champion, puis j'ai pas d'intro. Ben, tu remarqueras que le champion... On peut remettre le jiggle du champion de la semaine, si le tu veux. Le jiggle, mais ça serait... t'as appelé? Ouais. Le jiggle? Le jiggle. C'est comme du jiggle. Non, pas grave. On peut le remettre si tu veux, mais ça va peut-être être un peu péjoratif pour toi. C'est ça, peut-être un petit peu. On n'a peut-être pas le goût d'être associé à ça. Merci. Bon, donc, en gros, pour expliquer, c'est que des fois, moi puis Lucas, on a le goût d'assaisonner un peu nos niaiseries. Donc, on n'a pas envie de d'écrire et de préparer. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, sauver un 10-15 minutes d'écriture, en fait. C'est juste pour ça. Le salaire reste le même, à même les cotisations étudiantes. Exactement. Fait que c'est pas grave. C'est-à-dire zéro. À Assemblage Requis, moi, tout ce que je fais, c'est remplir d'invités pour rien avoir à faire. C'est ce qu'on m'accuse tout le temps de faire. C'est vrai que tu mets pas beaucoup de tunes. C'est vrai, hein? Bon. Donc, je vais te présenter comme du monde. Dans le fond, c'est ça. En gros, le concept de l'invité d'honneur, c'est que on invite quelqu'un qui tourne autour de la radio ou du journal. Éventuellement, ça va être quelqu'un du journal. Peut-être même éventuellement de l'OGE, on verra. Mais tu sais, quelqu'un autour dans le bout, là, qui vient assaisonner un peu nos excentricités habituelles à moi et Lucas. C'est juste parce que vous voulez pas payer le stationnement de quelqu'un qui est à l'extérieur de l'université. Ben, c'est un peu ouais, ça, ouais. Entre autres, parce que les cotisations, c'est pas si payant que ça non plus. Donc, c'est ça, on invite quelqu'un qui vient nous parler. Donc, il donne un genre de 10 minutes, là, l'équivalent à peu près de ce qu'on se donne pour un éditorial, pour parler de ce que la personne veut top et de chrono. Participer avec nous autres. c'est pas encore le top. Ça inclut-tu l'intro? Ouais, ça inclut l'intro. Puis bon, cette semaine, on a invité Mathieu Plante qui. T'es combien d'heures déjà à radio par semaine? Ben, ça dépend si tu comptes seulement les émissions en direct 13 heures par semaine. Ouais, mais donc, chacune est rediffusée. C'est ça, ça ouais. Donc double ça. Donc 26 heures sur les ondes de C'est vrai, Fou. Ouais. On entend la délicieuse voix. Je voulais dire délicieuse et mélodieuse en même temps. Et mielleuse, fait que ça fait mielodieuse. C'était de toutes les beautés de Mathieu Plante. Merci. Donc, c'est ça, Mathieu anime notamment Assemblage Requis le matin, qui m'a un peu starté à la radio, d'ailleurs. Ouais. C'est grâce à moi, dans le fond, c'est grâce à toi, c'est pour ça que je t'en devais une. Anime aussi le Mathieu Plante Show, qui nous passe de la musique qui lui donne mal à la tête. C'est du chiptune, il y en a qui aiment ça. T'es pas allé au 10-12, toi, depuis tantôt, pour avoir des classiques de dance floor, de bar. Effectivement, je me tiens loin de ces le choses. Le chiptune est pas mal meilleur que ça. On verra. Mais t'as oublié le plus important. Hein? Mathieu anime aussi la luître. Oui! J'ai le chandail d'ailleurs en ce moment parce qu'il y a un match ce soir à 20h à la Chasse-Galerie pour les auditeurs du jeudi. Puis ça, pour ça, je dois te féliciter parce que c'est quand même l'endroit où j'ai rencontré ma copine. Ah ben félicitations, on salue Marie. On salue Marie. Elle vous fait saluer elle aussi. Mais bon, c'est lui Mathieu Plante. Oui. C'est lui Mathieu Plante. Donc Mathieu Plante. Hein? Mais quoi tu veux jeu de mots Plante? Mathieu de mots Plante, c'est un jeu de mots? Toi qui es si connu pour tes jeux de mots à la qualité douteuse. Merci. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Donc, mais fin toi avec tes compliments, Matin. C'est effrayant. Bref, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet que vous connaissez peut-être. C'est une émission de télé qui est sur HBO. C'est une satire politique un peu à la Daily Show. Encore aujourd'hui, ou sinon au Québec, peut-être la fin du monde à 7h, un truc comme ça. Mais en un petit peu plus profond, je te dirais, en termes d'intelligence, et non pas en termes de sketch et de personnages avec des voix drôles. Donc, je sais que Lucas connaît beaucoup ça. Sébastien, beaucoup, je suis pas beaucoup, sûr. Beaucoup, C'est Last Week Tonight with John Oliver. Donc, c'est un talk show américain, comme je disais, une satire de télévision. C'est sur HBO les dimanches soirs depuis avril 2014. Ça ressemble vraiment, comme je disais, au Daily Show où Oliver était justement correspondant avant. On l'a essayé au Daily Show comme animateur quand Jon Stewart est allé filmer un film dans un autre pays, peu importe. Donc, il avait tellement eu de succès comme animateur remplaçant au Daily Show que finalement, HBO est allé le voler à Comedy Central. Ils ont dit, tu sais, bon, clairement, on ne t'utilise pas à ton plein potentiel sur Comedy Central, donc on va te donner ton propre show d'une demi-heure sur HBO. Et quand on parle d'une demi-heure, c'est vraiment une demi-heure complète sans aucune publicité. Présentement, on est en début de troisième saison. Le contrat, au départ, était pour 2 ans avec une option d'extension et on a ajouté 2 saisons additionnelles de 35 épisodes chaque. Donc, on va avoir pas mal de matériel dans les prochaines années. D'après moi, ça va rester pour un bout de temps. Ça l'a même discuté d'en faire une quotidienne éventuellement. Ben, oui, mais je redoute un peu. Je pense pas qu'on devrait faire une parce quotidienne. Parce que c'est tellement de haute qualité, c'est de la haute voltige qu'ils peuvent pas tenir ça quotidiennement. Non. Moi, ce que je préférerais, parce qu'on a entendu dire que si le président le président d'HBO et John Oliver pouvaient s'entendre avec le temps de peut-être passer à 1 heure complète sans pub, je pense que ce serait mieux qu'une quotidienne. Mais bon, ça, c'est une question d'opinion. On sait que Oliver a la créativité énorme. Dans cette émission-là, il est capable de chercher des sujets, il a trouvé une équipe parfaite pour le faire et il a la liberté d'expression dans cette émission-là, donc le réseau ne lui dit jamais quoi faire. C'est le fun, ça. Oui. Effectivement, parce que HBO est une chaîne payante. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de publicité. Exact. Et qu'ils ne sont pas dépendants de groupes d'intérêt, de ceux qui achètent des pubs, tout ça. C'est ça. Et groupe d'intérêt, tu sonnais comme Donald Trump pas mal avec ça. Alors, je m'excuse. Je n'accepte aucun argent de groupe. Mais non, mais c'est un ami de l'émission, là, Donald Trump, là, quand même. Oui, exact. Donc, c'est ça. Comme on disait, il n'y a pas de publicité, sauf qu'à la place de mettre des pubs, on remplace ça par des petits sketchs, des petites parodies de publicité, j'aime bien le segment And Now This, où on montre des extraits, soit en rafale d'un animateur d'une station de télé à la CPAC qui reçoit des appels haineux. Puis là, ben, ça va montrer ça pendant genre une minute et demie du gars qui est vraiment tanné d'entendre des commentaires du monde. C'est juste une petite capsule qui prend la place d'une pub. J'aime bien ça. Oui, aussi le « How is this still a thing? » Oui, comment ça se fait que ça existe encore? Par exemple, le changement d'heure, qui a été très, très bien expliqué. Et c'est sûrement les blocs, le « How is this still a thing? » qui est sûrement le plus partagé sur les réseaux sociaux. Ben, c'est rapide, c'est concis, puis ça t'explique un sujet. Ça me rappelle une chronique que tu fais, en fait, à Assemblage requis. Oh! Ben, est-ce que Mathieu fait un Jimmy-là de lui? Peut-être. Hey, jamais de la vie! Qu'est-ce que je fais? Ça existe, mais ça devrait pas. Oui, ça ressemble un peu à ça. Le titre en tant que tel peut-être ressemble un petit peu à ça, sauf que ça, c'était calqué sur, je crois, Renault Dépôt, c'est ça? Ah, ça se peut. Ça existe, on l'a? Ah oui, oui, ça, oui, ça, oui, ça, oui, ça, oui. Ah, okay. Ça vient de là, mais c'est vieux. Il a aussi fait un très bon Arendt, mais ça, c'est le philosophe en moi qui parle. Arendt est une très mauvaise philosophe fondatrice du libertarianisme. Ah, okay, mais bon. Oui, oui. J'allais dire que mauvais était subjectif, mais maintenant que tu as parlé de libertarianisme. Ben voilà, le mauvais était subjectif. Donc c'est ça, chaque épisode a de plus petits segments au début de l'émission qui ont rapport avec les nouvelles récentes. Il dit tout le temps, il commence tout le temps l'émission, bon, on a juste assez de temps pour faire un survol de la semaine, puis là, ça, il passe comme 10 minutes là-dessus, puis à un moment donné, t'as des petits sketchs, puis après ça, bam, le sujet principal qui est en bas. Puis là, c'est 20 minutes, là, genre, sur un gros sujet, là. Puis je vais vous faire un tour des sujets rapides tantôt. En gros, le concept de l'émission, c'est John Oliver à son bureau, comme toutes les autres émissions de nouvelles. Sauf que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans le fond, il y a un château de Game of Thrones dans son arrière-plan. Mm. Ouais, c'est vrai. C'est Wikipédia qui m'a appris ça. Donc, c'est ça. L'émission est le dimanche soir. Donc, même si ça s'appelle La semaine dernière ce soir, c'est rare qu'on va parler des nouvelles qui ont eu lieu pendant la semaine passée parce que Colin, il veut pas être à l'arrière des autres. Il veut pas faire la même chose que les autres ont fait. Il crée la nouvelle. Il crée la nouvelle. Il prend des sujets un petit peu plus d'arrière-plan, je te dirais, un petit peu moins discutés, puis il vient l'amener à l'avant-plan. Il va tout le temps sortir des hashtags qui deviennent virales. La chaîne YouTube a des... McDonald's Rump Again cette semaine. Oui, exactement. C'était magnifique. Okay. Parlons-en justement, parce que le nom d'origine de Donald Trump était Drumpf. Ouais. Drumpf. Drumpf. Drumpf. Ouais, ça dépend de ton accent, si c'est allemand ou pas. Là, ouais. Genre. Drumpf. Mais bon, donc ça, c'est la chose virale en ce moment. Mais sinon, avant ça, il y avait quand Fifty Shades of Grey est sorti, c'était... c'est quoi le nom du personnage principal? Mais en tout cas, bref, à chaque fois qu'il parlait de l'acteur, c'était Not My Grey, genre. C'est pas mon Grey, parce qu'il était pas d'accord avec le choix de l'acteur, t'sais. Fait qu'il y a tout le temps des hashtags qui deviennent populaires. Puis sur la chaîne YouTube, il y a des segments qui sont pas dans l'émission parce que des fois, ils prennent des semaines de congé. Il y a pas tant d'épisodes que ça par année, même si là, je disais qu'il y en aurait 35 les prochaines saisons. Mais j'aime le fait que quand ils sont en congé, il y a quand même une exclusivité sur YouTube. Donc, tu as toujours un petit peu de Last Week Tonight à te mettre dans la babouche. J'aime aussi leur campagne promotionnelle cette saison-ci, la saison 3 qui vient de commencer. Toutes les choses que les politiciens ont dit contre lui ou dans les journaux, tu sais, les gens qui sont contre John Oliver. Donc, ouais, la campagne, c'est lui sur son bureau qui tourne. Il y a comme un bureau qui tourne tout seul. Puis là, ça marche genre un bouffon, une espèce de type d'incompétent, puis un malhonnête, tout ça. Puis là, c'est la saison 3 qui commence. Ouais, ben, juste ça, son affiche promotionnelle, ouais, il est écrit en gros Makes people dumb dessus. Ouais. John Oliver rend les gens stupides. C'est, alors qu'au contraire. Fait que c'est de sa faute, Donald Trump, autrement dit. Ouais, non. Non, je penserais pas. Mais pour vrai, moi, la saison 1, je l'ai écouté deux fois à date au complet, tellement j'ai adoré la saison 1, qui était un petit peu plus courte quand même que les autres. Est-ce que tu l'as en DVD? Illégal. Ah. Ok, ok. M'excuse, j'allais t'emprunter sinon. Fallait pas me demander ça. Mais je peux t'y fournir, c'était bon. Donc, on a parlé entre autres de sujets vraiment comme que personne parle, tu sais, l'élection en Inde. Pourquoi est-ce que tu parlerais d'une élection politique en Inde? La peine capitale, General Motors avec leur truc de voitures qui sont aucunement sécuritaires, puis qu'il y a des controverses parce que les gens se tuent là-dedans, puis que General Motors dit aux gens qui sont supposés encourager General Motors de ne pas utiliser des termes comme genre une boîte à mort, ou tu sais, t'es pas supposé dire que les voitures sont dangereuses. Sinon, la controverse avec les Washington Redskins, le traitement, le truc de changer de nom de l'équipe, les droits homosexuels, t'as l'inégalité des salaires, j'ai aimé comment t'appelles ça, les payday loans, donc les prêteurs sur gage ou ceux qui te prêtent de l'argent puis que tu leur remets avec un taux d'intérêt de 155%. Puis après ça, ben si... il y a un sujet qui vaut la peine pour ça. Il va faire un petit sketch, genre faire des marionnettes. Il a fait des marionnettes de la Cour suprême, exactement. Ça, c'est des chiens. Oui. Là, d'ailleurs, on a le juge Scalia qui est mort, là, deux semaines. Ouais. Puis dans son dernier segment, il a dit on s'excuse, on est obligé d'euthanasier le chien qui représentait le jeu Scalia. Il dit, c'est de sa faute. Ben, c'est ça. Mais non, les marionnettes, je parle des Muppets. Donc, des fois, vu que les Muppets sont rendus sur HBO, les Muppets viennent sur le plateau de l'émission, puis ils chantent une petite chanson avec John Oliver. C'est vraiment tout le temps drôle. Il y a tout le temps quelque chose dans presque chaque épisode que tu vas retenir pour la fin des jours. J'ai aimé, entre autres, il a parlé de tabac. Donc, il est allé je me rappelle pas quel pays où c'était. C'est en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, puis il a inventé une mascotte pour les enfants, pour les encourager à fumer. Pourquoi à ne pas fumer. À ne pas fumer. À ne pas fumer, en fait, parce qu'il y avait eu, une campagne contre le tabac dans ce pays-là qui avait été entrepris par l'État, et une compagnie de tabac avait poursuivi le pays, mais c'était un pays avec un tout petit PIB qui n'avait pas les moyens de se défendre du tout. Fait que John Oliver a dépensé, on ne sait pas combien, mais beaucoup d'argent pour payer de sa poche une campagne contre le tabac c'est là-bas. Ça. T'as une bien meilleure mémoire que moi. Sinon, j'ai les tout écouté pendant la fin de session, ouais, la session passée. C'est ça, c'est très, très dans ma mémoire. J'ai écouté, mais aussi vraiment très, très récemment, mais j'ai une mauvaise mémoire. Puis il a débuté sa propre église aussi pour parler contre les télé-évangélistes. Ah, ouais. En fait, c'était surtout pour parler le fait que les églises ne paient pas de taxes. Exactement. Voilà. Mais bref, j'adore cette émission-là, je vais toujours l'écouter, mais je préfère attendre qu'il y en ait passé beaucoup pour les écouter en rafale. Je trouve que c'est pas assez une demi-heure par semaine, il me faut minimum une heure. Moi, j'écoute au moins l'éditorial le lendemain. Parce qu'il met sur YouTube parce le lendemain matin. Parce que tu veux être dans la nouvelle, mais moi, je suis pas de même. Ah, je m'excuse. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est de l'actualité intelligente. Voilà. On aime beaucoup ça. Et ça, c'est couvert avec deux ans de délai, c'est pas grave. Écoutez-la maintenant, écoutez la saison 1. Là. Allons-y. Oui. D'ailleurs, parlant d'humour intelligent sur l'actualité, on revient après la pause. Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Rebonjour, cher public, et re-bienvenue à La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, dont la prononciation du titre sera une nouvelle discipline aux Jeux olympiques, parce que Maud t'a dit que j'ai pas de souffle. Vous êtes toujours avec moi, Sébastien Gartin, et Lucas Hubert, avec Mathieu Plante, notre invité d'honneur. Surtout Mathieu Plante. Moi, je trouve ça drôle quand même qu'on a un public en studio, vous avez chacun votre copine en studio, et chaque homme dans le studio a eu son baiser d'une fille, et moi, je n'ai pas eu de baiser, donc je me sens un petit peu seul. Tantôt, il y a mon chat, tu vas dire, c'est ça? Je peux t'en offrir. Si tu veux, c'est plus ça que j'allais dire. Moi, je m'en allais effectivement dire, c'était à toi d'amener ton chat. Voilà. D'ailleurs, ton chat est une femelle que tu nous as dit avant la pause. Fait une méchante femelle. Oh, tes aimes velues, en tout cas? bon, plaise de très ventrie, effectivement. C'est l'heure de l'éditorial, c'est l'éditorial. Sébastien, cette semaine. L'éditorial. On n'a pas encore de... Faudrait vraiment qu'on fasse des sons. Ben, d'ailleurs, c'est poche un peu le son. Ouais. Effectivement, faut vraiment falloir... Chante-nous l'éditorial, Mathieu. Ouais, fais-nous donc une chanson à improviser, du coup, t'es bon là-dedans, toi. Ah oui, attends. L'éditorial, qu'est-ce que je l'ai dit, l'éditorial. Ah, je l'ai dit. Oh, OK. Oh. Donc, finalement, laisse faire. C'est quoi ton éditorial cette semaine? Mon éditorial cette semaine, c'est le scrutin proportionnel et PQ. Parce que PKP récemment, notre ami, un ami de l'émission, comme tu aimes bien le dire, Lucas, PKP, même. Monsieur Copé, comme j'aime l'appeler, PKP. Monsieur Copé, ouais. Dans le fond, il y avait le Conseil national du PQ, d'ailleurs à Trois-Rivières, la semaine dernière, et Monsieur Copé a dit qu'il envisageait le scrutin proportionnel. Il a demandé, en fait, afin de ramener ça dans la plateforme du Parti québécois, il a demandé aux associations régionales de commencer à se pencher là-dessus puis de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire ça et comment est-ce que... C'est ça. Est-ce que ça serait pertinent de le ramener? Puis lui, il s'est dit quand même assez en faveur de ça. Bon, là, on se dit « Ah, mais c'est le fun! » Oui, mais cool. Le PQ a un peu une histoire d'être pour le scrutin proportionnel quand ils sont dans l'opposition seulement. Puis de comme un peu oublier ça quand ils sont au pouvoir. Ouais. Effectivement, ça a été d'un plan du PQ depuis très longtemps. Ça a été, c'était dans la plateforme depuis, je me demande même si c'était pas depuis la fondation du parti, ou en tout cas pas longtemps après, ça fait vraiment très longtemps que c'était dedans. Aux dernières élections, c'est juste disparu de la plateforme. On ne sait pas pourquoi. Puis, ben, en fait, la motivation, puis ça, d'ailleurs, M. Copé ne s'en est pas caché, c'est que lui vise à créer une nouvelle convergence souverainiste. Dans le fond, il veut renouveler un peu le mouvement souverainiste qui, on s'entend, bat de l'aile pas mal dans ce temps-ci. Dans le fond, ça faisait partie des demandes de QS en quelque part. On pourrait même dire bas de l'aile droite. Bas de l'aile droite, oh! Trop en rond. Mais non, c'est ça, c'est que dans le fond, Québec solidaire avait publiquement dit que deux des choses qui les empêchaient de présentement s'allier au PQ, c'était premièrement l'espèce de tolérance que le PQ avait envers les paradis fiscaux et aussi le fait que le PQ était devenu carrément formellement n'était plus en faveur du scrutin proportionnel, ce qui est là encore une des demandes historiques de QS. Donc, QS, Québec solidaire, c'était mis en porte-à-faux avec le PQ afin de ne pas s'allier avec. Et M. Copé, en fin de semaine dernière, a dit ben il faudrait peut-être qu'on essaye de créer une nouvelle convergence des forces souverainistes. Donc, il faudrait qu'on puisse s'allier avec QS. Puis, ben ça, une des choses qu'il faudrait qu'on fasse, ça serait de considérer le scrutin proportionnel. Puis moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Donc, est-il sérieux? Ben c'est ça, toutes les parties sont pour quand ils sont dans l'opposition. Même la CAQ serait pour, apparemment. Ouais. Quand ils vont arriver c'est au pouvoir, vont-ils l'être? C'est sûr que si c'est pour sortir du bipartisme, ils vont être pour, mais... Ben c'est ça l'affaire, c'est que toutes les parties, historiquement, à un moment donné, étaient pour quand ils étaient dans l'opposition, puis soudainement, quand ils deviennent un gouvernement, on n'est pas pressé de le faire, finalement. Donc, ça serait une main tendue vers QS et Option nationale aussi, d'ailleurs, même si l'Option nationale est rendue réduite à une peau de chagrin, malheureusement. C'est sûr que, bon, ça fait quand même changement du gouvernement Marois. Parce que on se rappelle, sous le règne de Pauline Marois, le PQ n'a jamais été autant fermé au reste du mouvement souverainiste. Pauline Marois s'était exprimée plusieurs fois en public pour dire que non, le seul vrai parti souverainiste au Québec, c'était le PQ, et toutes les autres partis souverainistes ne faisaient que leur voler des votes qui leur revenaient de droit, ce qui est encore une stratégie un peu dégueulasse, d'ailleurs, de dire ça. C'est ce qu'on appelle du vote stratégique, qui est un peu antidémocratique, d'ailleurs, surtout d'inciter les gens à ça. Moi, ce que je trouve surtout... extrêmement ironique, c'est de voir que le fédéral s'enligne pour instaurer un scrutin proportionnel avant le provincial, avant le PQ qui est historiquement le parti qui instaure les réformes démocratiques, tout ça. Ben, et là, on va se ramasser avec le Parti libéral du Canada qui va le faire avant. Mais ça, on a l'occasion d'en parler des fois. C'est sûr qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec absolument tout ce que M. Trudeau fait depuis qu'il est au pouvoir. Mais une chose, c'est que bon, malgré certaines ratées, là, on se rappelle entre autres de la vente des armes de guerre à l'Arabie Saoudite, mais généralement, on sent qu'il y a quand même une espèce de volonté de ramener le Parti libéral du Canada vers ses racines un peu plus progressistes, qu'on soit d'accord ou non avec le type de progressistes qu'ils mettent de l'avant. On sent quand même une espèce de renouveau un peu, de dire que non, on veut réformer certaines choses problématiques. D'ailleurs, c'était un peu ma conclusion d'ailleurs que tu viens de me voler en disant oh, ça. Mais c'est pas grave. Mauvais animateur. Donc, en gros, qu'est-ce que le scrutin proportionnel? Parce que là, j'en parlais à cause que PKP le ramenait, mais qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est que le problème, c'est que présentement, on peut avoir la majorité des élus, mais en étant très loin de la majorité des votes. Le scrutin proportionnel, ce que ça ferait, c'est que ça introduirait une composante qui n'est pas reliée au comté. Dans le fond, il y aurait des députés, d'une manière ou d'une autre, qui ne seraient pas élus par comté, mais plutôt vraiment sur la base de du pourcentage de vote. J'aimerais amener une nuance. Oui. Un scrutin seulement proportionnel n'a pas la composante député par circonscription. Ça, c'est une proportionnelle mixte qui mélange les deux. Parce que ça, il y en a beaucoup qui disent que le désavantage d'avoir un scrutin proportionnel, c'est que justement, ça va faire que probablement que la plupart des gens qui vont être élus députés vont venir des grandes villes, de un, et que de deux, le vote des villes, des grandes villes de Montréal, par exemple, étant donné qu'ils sont géographiquement plus importantes, il va compter énormément plus, ce qui fait qu'on va avoir un tel nombre de députés pour une grande ville, alors que une immense région géographique ne sera pas du tout représentée. Donc, il y en a beaucoup qui disent que ça, c'est une faiblesse, à savoir à quel point c'en est une. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui proposent la proportionnelle mixte. Ce qui est généralement discuté, d'ailleurs, comme au fédéral comme au provincial, ceux qui le proposent, c'est généralement la proportionnelle mixte, c'est-à-dire qu'il y a une composante des deux, dans le fond. Donc, ça viendrait rééquilibrer un peu la répartition des partis pour que la répartition des élus, je m'excuse, à travers les partis, pour mieux refléter la réalité du vote. Pour dire, par exemple, sur les 200 quelques députés qu'on a au provincial, pas 200 quelques, pour les 100 quelques députés qu'on a au provincial, par exemple, présentement, il y a seulement 3 élus de Québec solidaire, alors que Québec solidaire a 10% des votes. Bon an, mal an. Par exemple, ça, évidemment, le résultat probable de ça, c'est que, ben, probablement Québec solidaire aurait un peu plus de députés actuellement, là, mettons. Si on avait eu une composante... si on avait eu un scrutin proportionnel mixte aux dernières élections, probablement qu'il y aurait eu beaucoup plus de députés de QS, d'Option nationale, il y en aurait eu tout court, en fait. La CAQ même aurait été gagnante, et peut-être le PQ, mais ça, c'est pas certain, ça dépend beaucoup de... Aussi le Parti conservateur du Québec, qui aurait eu un siège. Ouais. s'ils avaient adopté ce système-là. Donc, on aurait notre bon Adrien Pouliot préféré. Oui, Pouliot. On dirait un dessin animé pour enfants, mon petit Pouliot. Ah non, non, non, regarde, cherche-le sur YouTube, c'est pas un dessin animé pour enfants du tout. Là, tu veux pas que ça s'approche de tes enfants, cette affaire-là. Non. Mais non, mais il a pas l'air si dangereux que ça. Là. Diffamation, ah non? Quand il bat. Non, quand il parle, il a l'air dangereux, mais pas quand okay, il... c'est vrai. Pas, ça tronche, il a pas l'air. Sympathique. Okay. Ça tronche, ben, sympathique, j'irai pas jusqu'à dire ça. Là. Mais pas. Bon, de toute façon, on tombe dans l'attaque à dominem, hein, puis nous autres, on fait pas ça ici. Quand tu sors le latin, là, c'est que c'est sérieux. Non, c'est que t'es avec des gars en philo. Okay. Ça ferait surtout, en fait, le gros résultat, ça serait généralement qu'il y aurait eu moins de députés libéraux présentement, puis peut-être même que le Parti libéral au Québec n'aurait peut-être même pas été le gouvernement, ou en tout cas, n'aurait clairement pas été majoritaire. Mais on n'aurait peut-être plus jamais de gouvernement majoritaire avec ça, par contre, dans les faits. C'est ce qu'il y en a que beaucoup. Hein. Je sais que Mathieu Bock-Côté, c'est sa critique. Pourquoi il voudrait garder un système qu'on a présentement? C'est pour le bien de la stabilité politique, mais bon, justement, parce que ça nuirait aux majorités. On sait que de toute façon, le deuxième prénom de Mathieu Bock-Côté, c'est réactionnaire. Donc, de toute façon, peu importe ce qui est progressiste, va être contre. Tout de suite après qu'on ait dit qu'on ne fait pas d'attaque à TVM. Non, c'est documenté ce que je dis. Ah, d'accord. Donc, c'est ça. Donc, pour clore rapidement, le scrutin proportionnel, c'est que bon, la répartition des élus reflèterait mieux la réalité des votes, évidemment, et c'est le fondement de la chose. Et ce que ça aurait comme effet aussi, c'est que ça éliminerait le vote stratégique, en fait. Mettons, par exemple, une Pauline Marois n'aurait pas pu dire « il nous vole des votes qui nous auraient permis de devenir le gouvernement et de contrebalancer les libéraux qui sont donc moins progressistes que nous autres, et ainsi de suite. » Mais est-ce que tu pourrais toujours annuler ton vote avec ta blonde, ben, mettons? Ben, si tout le monde vote, c'est pas annuler, c'est juste dire un vote différent. C'est un très mauvais argument, parce que c'est pas que t'annules le vote de l'autre, c'est que tu votes dans un autre sens, c'est tout. C'est pas comme si c'était des votes binaires de toute façon. Exact. Ben, évidemment, des gens comme... Alors, là, j'ai l'air d'être bien gros sur son cas, mais Pauline Marois, pendant les campagnes où elle était chef du PQ, c'était un peu ça qu'elle disait. Elle disait, au Québec, c'est une fatalité, vous allez toujours avoir le vote entre le Parti québécois et le Parti libéral, puis c'est une fatalité que vous votez entre les deux. Donc, évidemment, si tu tombes dans une conception manichéenne du vote comme ça, ben c'est sûr que... Moi, j'aimerais vraiment comme voir la tronche de René Lévesque à qui qu'on aurait dit « Ben là, le PQ, hein, ça divise le vote entre le Parti libéral et l'Union nationale. » J'aurais vraiment aimé voir la tronche de René Lévesque, une espèce de facepalm. Où on aurait pu aussi dire que le Parti québécois volait des bénévoles au RIN, c'est rendu là. Ça aurait été aussi intelligent. On l'a pas fait dans le temps non plus, d'ailleurs. En tout cas, je crois pas. Une chose aussi, finalement, juste pour terminer, puis c'est un truc important, c'est que les votes perdants, entre guillemets, mettons-le 13 ans, entre guillemets, vont valoir quelque chose, parce que présentement, mettons que vous votez pour un candidat qui n'est pas élu, bien, votre vote, il tombe dans la masse de ceux qui n'ont pas gagné, en fait. Alors que dans une proportionnelle, votre vote a quand même une certaine force, quand même, va quand même être reconnu. Une répercussion. Une répercussion, oui. Votre vote va littéralement relier à un député élu, quand même. On espère, évidemment. Donc, une chose qui est certaine, c'est que le scrutin uninominal à un tour, ce qu'on utilise présentement au Canada et au Québec, c'est de la scrap. Ouais. Comme je disais, comme on l'a dit tantôt, le PLC, eux autres même sont sur la voie de changer ça. On ne sait pas combien de temps que ça va prendre. Puis là, ça nécessite des réformes constitutionnelles, ce qui est tout le temps difficile au Canada. Et finalement, moi, une autre chose, que tant qu'à ce que M. Capé ramène cette chose-là dans la plateforme du parti et peut-être mettre plus d'énergie à la défendre, évidemment, tant qu'à ça, les référendums d'initiative populaire, question de vraiment se réapproprier notre démocratie. Les bonnes idées dans le temps que Bernard Drinville en avait, là? Ouais, ça, là. Ça, ouais, là. Effectivement. Ouais. Ce temps révolu, mais néanmoins, il faut quand même... Ça vaudrait la peine que tu fasses un autre de tes éditoriaux, Lucas, tu sais, François contre Blais, Bernard contre Drinville. Effectivement. Effectivement. Donc, ça, c'était la clôture de mon éditorial. Ben, merci. C'est moi qui vous remercie. Et on est rendu à Lucas. En fait, tu avais préparé quelque chose aujourd'hui pour nous gâter un peu. Ben, tu sais, pour rester dans la même veine, je vais vous parler de Batman contre Superman. C'est tout aussi sérieux que le sujet de Sébastien. Non, mais c'est le segment politique fiction que Sébastien avait amené à l'émission, puis que depuis ce temps-là, j'y ai volé. Bon. Vous partagez. Oui, on le partage, effectivement. J'aime mieux dire ça. On est comme ça. Ça m'empêche de me faire des gros yeux. On est comme ça, nous autres. On se passe nos... C'est à chacun selon ses besoins. Ouais. C'est... Tu parles de pipi, là? Non. Ah, okay. Oh, s'il te plaît. Arrête ton langage. Arrête franchement, ton. Ça va trop loin. Bon, non, je sais, je vous parlais de Batman contre Superman dans le segment de politique fiction parce que, bon, je sais pas s'il y en a qui ont vu un peu c'est quoi l'histoire du Batman contre Superman. C'est Dawn of Justice. Oui, exact. Ouais. Le film qui va être à l'affiche la semaine prochaine, je crois. Ben, quelque chose de même. J'étais à l'avant-garde. Mm-hmm. Oh, comme John Oliver. C'est sûr, j'ai pas vu le film. J'ai pas vu le film. Donc, je me trompe peut-être un petit peu sur les orientations de l'histoire. Mais par contre, je sais un peu sur quel comic le film va se baser. Et bon, en fait, en gros, l'histoire du film, c'est que, bon, ça suit le film Man of Steel, qui était pas très bon. Bon, faut s'imaginer qu'après le film Man of Steel... Qui est comme un... On va le dire, c'est un peu un reboot de Superman. Oui. Exactement. C'est le même acteur ou... de Superman. Non, c'est un nouvel acteur, là, encore. Fait que c'est pas la suite de... Oui, l'acteur qui joue Superman dans Man of Steel. Je pensais que tu voulais dire dans Man of Steel puis dans les autres Superman. Okay, non. Non, c'est ça, c'est un nouvel acteur. Dans chaise roulante. Mais c'est le... Ouais, mais il y en a eu d'autres entre les deux, là. Non, des tentatives, qu'on dit. Sois pas à cheval sur les principes, cheval. Comme, parce que bon, qu'il est devenu pareil. Ouais, c'est un petit... C'est un, ouais, OK. On va la laisser passer. Merci. On va l'enlever au montage. Ouais, c'est ça, on va la... Pour la rediff de dimanche, de samedi matin, il n'y aura pas ça dedans. Ouais, c'est ça. Non, bon, faut s'imaginer que depuis le Man of Steel, en gros, il y a des extraterrestres qui veulent détruire la Terre. Superman sauve la Terre, tout le monde est surpris, on l'a tout pas vu venir, évidemment. Et bon, à la fin, le Superman va voir l'armée américaine, puis dit « Je serai jamais votre marionnette, mais s'il y a des shit, je vais venir vous aider. » Il dit ça dans le film, s'il y a des shit, je vais venir vous aider. Exact. Okay. Mot pour mot. Verbatim. Verbatim, effectivement. Puis bon, là, avec les trailers qui ont sorti de Dawn of Justice, on peut réaliser que, dans le fond, la population terrestre était comme « Wow, il est vraiment cool et badass, ce gars-là. Il a sauvé la Terre, puis il est sympathique. » Fait qu'on va lui donner comme beaucoup de pouvoir. Donc, c'est rendu que, tu sais, on voit dans le trailer, justement, tu sais, Superman qui arrive, puis les soldats de l'armée américaine se prosternent devant lui. Donc, on peut se dire que Superman est comme devenu un genre de despote éclairé, dans le fond. Donc, c'est comme si les États-Unis étaient devenus un pays... totalitaire, mais dans laquelle le dictateur avait été comme élu par acclamation. Je sais pas dans quoi tu t'en vas avec ça du tout, dans ta politique fiction. Non, hein? Non, hein? Non. Tu vas voir. Moi, je sais. Bon. la raison pourquoi Batman est là, c'est que Batman est comme, bon, il est peut-être sympathique, Superman, mais merde, on est en Amérique, terre de la liberté, puis bon, c'est un faux dieu. En fait, il y a carrément, justement, le mot faux dieu qui apparaît, puis on n'a pas comme ça à l'idolâtrer. C'est pas parce qu'il y a des pouvoirs qu'il y a le droit de diriger le monde. Effectivement, juste pour spécifier, dans la bande-annonce, dans une des bandes-annonces du film, on voit qu'il y a une gigantesque statue tout en acier de Superman là, qui a l'air d'un conquérant. Exact, sur puis lequel il y a des tags dessus, justement. Tag false God. Ouais. Et bon, c'est justement, on entend Batman dire à Superman, les gens pensent que t'es un dieu, mais je vais leur prouver que tu saignes. Oh, en oh, gros, oh, je paraphrase, là, mais ça met un peu comme en place, ça va être quoi l'histoire? La raison pour laquelle je veux en parler dans mon segment de politique fiction, c'est que c'est en fait un débat extrêmement intéressant, du moins en philosophie, on aime bien se poser la question, qu'est-ce qui est le mieux? Mm-hmm. Une démocratie qui permet des Donald Trump ou un despote éclairé. Mm-hmm. Là, tu le vois aussi. Ouais, je le vois là. Ouais. Puis c'est un débat. Puis en fait, bon, on dit que c'est un débat en philosophie. Les philosophes des Lumières étaient tous des fans justement du concept de despote éclairé, des monarques allemands principalement, qui étaient, mon Dieu, des fans de philosophie puis qui essayaient de gouverner au nom du bien commun. Plus spécifiquement, Friedrich II, le roi de Prusse. Ouais, c'est ça. Ouais. Effectivement. Et ben, la question se pose, en fait, même en sciences politiques assez concrètes, on peut voir avec le printemps arabe que c'était une question qui se posait. De mon côté, j'ai une amie en Thaïlande qui étudie à l'université de Bangkok. Pour ceux qui ont suivi un peu, il y a eu des élections en Thaïlande. Et ce qui arrive dans les pays du Moyen-Orient, bon, la Thaïlande, c'est pas nécessairement Moyen-Orient, mais c'est à peu près le même schéma qui s'est installé. Ce qui arrive souvent, c'est que quand il y a des élections, c'est que c'est des pays extrêmement ruraux. Donc, la majorité de la population est en campagne et pas très éduquée parce qu'il n'y a pas d'université en campagne, tout ça. Ce qui fait que quand ils instaurent des élections dans ces pays-là, souvent, c'est des partis politiques intégristes religieux qui vont gagner les élections. Ce qui ne fait pas l'affaire des gens en ville qui sont battus pour instaurer une démocratie, nécessairement. Ce qui fait qu'après ça, il y a des mouvements de contestation populaire qui essayent de renverser le gouvernement. Et après ça, ça fait un coup d'État militaire parce que le pays est instable et ça remet une dictature. Puis je discutais justement avec mon ami thaïlandais qui s'appelle Palita. À un moment donné, il y a eu justement un coup d'État à Bangkok, un coup d'État militaire. Puis bon, je suivais ça à Radio-Canada, puis j'étais un peu inquiet pour elle, puis j'avais écrit « T'es-tu correct? » Elle avait répondu « Non, je suis une souricière, il y a l'armée avec un gun sur ma tempe à côté de moi. » Tu sais, elle m'avait répondu comme sur mais son sur iPhone. Ouais, elle m'avait répondu sur son iPhone. On voit que la police militaire là-bas est quand même moins rough que le SPVM. Ils ont laissé son cellulaire quand même. Ah, t'es coquin. Mais bref, la question... Puis elle, après ça, veut pas, j'ai discuté avec elle. Puis elle avait dit, tu sais, elle étudie, elle fait une maîtrise en littérature féministe. Je savais que ce serait ça parce que littérature, elle s'appelle Polita. Ouais, d'accord. Ouais. Tu vois, Lucas, ce que je vis à tous les matins, le mercredi à 8h, assemblage requis. Le pauvre. Mais bref, elle étudie en littérature féministe, puis justement, elle est une des premières qui peut être mise en danger quand il y a des gouvernements intégristes religieux. Et elle, ce qu'elle me disait, c'est « Ben merde, quand on se bat pour instaurer une démocratie, elle dit « Moi, je considère que même si c'est un parti intégriste religieux qui prend le pouvoir, il faut l'accepter parce que c'est ce que le vote a donné. Même si, en bout de ligne, ça donne des trucs qui nous conviennent pas. » Puis en fait, c'est un débat extrêmement intéressant. Est-ce que vraiment on devrait préférer un gouvernement qui fait des choses vraiment inhumaines, qui veut, par exemple, instaurer la charia ou des choses comme ça, élu démocratiquement, ou on devrait préférer justement une révolution qui va prendre le pouvoir de manière non démocratique puis qui va instaurer des réformes auxquelles on préfère? Donc, je crois que c'est le débat que soulève le Batman contre Superman. Puis d'ailleurs, ça donne un peu une idée un peu de la démocratie, parce qu'en même temps... ce que tu montrais illustre très bien le fait que la démocratie, c'est pas tout seul un bien en soi, c'est pas une chose qui se tient toute seule, ça nécessite entre autres que les gens gens sachent sur quoi ils votent en fait. C'est comme pour rester dans la fiction, l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov, celui qui entre autres les trois rois de la robotique, un peu tout le monde connaît, c'est dans son livre Les robots. Puis lui-même disait, une de ses phrases célèbres, c'est qu'il dit, le fait qu'on vit dans une démocratie donne la fausse impression aux gens que votre ignorance vaut autant que ma connaissance. Mais alors que c'est pas vrai, parce que la démocratie se fonde sur le fait que les gens sont informés. Effectivement. Eh ben. Bon, c'était ça pour mon segment politique fiction. Fait que très en vitesse. Merci beaucoup d'ailleurs. Ouais. En vitesse, on serait rendu à l'herbe est toujours plus jaune. L'herbe est toujours plus jaune chez le voisin du sud. Faudrait vraiment le titre de notre émission, mais pas le titre du segment. Effectivement, faudrait vraiment qu'on commence à raccourcir les noms dans notre émission. Vous prenez trop de temps sur les titres de chronique dans votre émission. Vous manquez de temps pour le contenu après. On devrait allonger l'émission à 1h30 juste pour avoir le temps de dire les segments d'émission. C'est ça. Ouais. Et de plus longues intros. Moi, j'ai des intros de 45 secondes dans mon émission. C'était carré. C'était effrayant. Effectivement, c'est vraiment écœurant. Bon, non, je te niaise. Ah, t'es drôle. Qu'est-ce qui se passe dans la politique américaine cette semaine? Bon, premièrement, on a eu, la Cour suprême sont rendus 8, parce que juge Scalia est mort, on en a parlé à l'émission précédemment. On rappelle que la Cour suprême, c'est là que la crème fouettée dessus. Ouais. Puis la cerise, puis les bananes. Ouais. Isaac Aguimauve aussi. Isaac Aguimauve. Bref. On a, parce que eux, les juges, ils mettent le pseudonyme Justice devant leur nom, c'est tout. Au Canada, on ne fait pas ça. Je pose la question. Non, on ne fait pas ça. Fait qu'eux autres, les juges à la Cour suprême, ils s'appellent Justice Clarence, Justice Kennedy. C'est tellement cool d'avoir un nom comme ça. Quand même, ça fait un peu super-héros. Mais de mémoire, je pense qu'au Canada, en fait, ils ont le même statut qu'un ministre, c'est-à-dire honorable. OK. Ouais. Ou très non, honorable. C'est possible. Mais bref, à cause du juge Scalia qui est mort, il y a présentement à la Cour suprême, il étudie un cas pour... Ben justement, John Oliver en a parlé, le cas des cliniques d'avortement au Texas et dans plusieurs États. Ils ont passé des lois qui restreignent énormément la possibilité d'ouvrir une clinique d'avortement. Déjà que dans beaucoup d'États, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des États où il y a une ou deux cliniques d'avortement pour l'État au complet. Ce qui fait qu'une femme qui veut avorter doit faire énormément de voyages. Et bon, c'est ça, la Cour suprême aux États-Unis doit se pencher sur un cas comme ça. Et là, étant donné que le juge Scalia, habituellement, il était tout le temps au devant des médias, puis il prenait tout le temps comme des positions publiques avant même que ça commence, ben là, il n'y a comme plus personne pour faire cette espèce de frontman-là. Puis pour dire avortement, c'est ouvertement, avortement. Oui. Là, on a cette semaine, c'est Justice Clarence qui a été nominé sous George Bush père, qui est sorti qui a fait une sortie médiatique pour la première fois en 10 ans pour carrément défendre le droit des gens qui ont des antécédents de violence domestique d'acheter des armes à feu. Bon. D'accord. On espère qu'Obama va réussir à nommer quelqu'un. Oui. Ils ont commencé à faire couler certains noms. En fait, Obama est un peu malin. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à laisser couler dans les médias certains noms de gens qu'il pourrait possiblement nommer. Mais c'est tous des noms de juges, de juristes qui sont assez libéraux. Qui ferait l'affaire des démocrates. Sauf que l'affaire, c'est que tous les noms qui ont coulé sont des gens extrêmement populaires et connus dans des comtés républicains. Donc là, les républicains font la base électorale républicaine est comme « Ah ben oui, mais on l'aime ce juge-là, c'est un juge de chez nous, puis on l'aime bien. » Fait que là, les républicains sont un peu pognés parce que les républicains avaient dit qu'ils n'accepteraient pas qu'Obama nomme un juge, que ce serait le prochain président ou la prochaine présidente qui le ferait. Fait que les républicains sont un peu pognés à faire comme « Ouais, mais c'est cela, on va peut-être l'accepter, sinon les gens voteront pas pour nous. » Évidemment, se tirerait dans le pied de le faire. C'est un peu comme, d'ailleurs, c'est le genre de dilemme auquel les républicains ont fait face, d'ailleurs, aussi par rapport au gouverneur du Nevada, là, Sandoval, là, qui est probablement la personne la plus progressiste qui est reliée au Parti républicain, qui est un peu une patate chaude pour les candidats présentement, là. Ça remonte à quelques semaines déjà quand il y a eu les primaires au Nevada. Là, mais... ouais. Ben, on a eu d'ailleurs aussi Mitt Romney, qui était celui qui s'était présenté... qui s'était présenté contre Obama en 2012, qui a fait, aujourd'hui ou hier, il a fait une conférence de presse pour dire que il reconnaissait pas son parti puis que fuck Donald Trump. Ouais. Genre, il a carrément sous-entendu que peut-être qu'il voterait républicain. C'est pas ce matin, ça, je pense que c'était aujourd'hui. Je pense qu'il voterait démocrate. Ouais. Oui, excusez. Mais il l'a pas dit, là. Mais il a comme laissé sous-entendre. Ce qui est vraiment très drôle, c'est comme l'ancien candidat à la présidence républicaine qui dit « Va peut-être voter démocrate, moi, parce que mon parti, c'est vraiment une gang d'épais. » Ah, mitaine. Ah, mitaine, hein. Oui, mais effectivement, lui, ça a été un des derniers républicains modérés qui a réussi à prendre la tête du parti. Présentement, au Parti républicain, dans les primaires, il n'y en a aucun modéré. C'est toutes des radicaux. Vraiment. Des conservateurs radicaux, en fait. Oui. Oui. Ce qui est... Radicaux libres. Bon, sinon... Émission, mais... Quelqu'un qui sonne? Je pense que c'est toi, ça. Maudit invité d'honneur. La rigueur. Peux-tu, hein? La rigueur. On l'invite plus, lui. Hein? Impossible. Non, je pense pas. Non. Bon, ben, c'est pas mal ça. On est pas mal rendu au mot de la fin. Donc, c'était tout pour cette nouvelle émission de La sortie de secours est à votre gauche, sauf si vous nous écoutez le samedi, évidemment. Donc, merci, Lucas. On te lit aux deux semaines dans le Zone Campus en page 5 pour ton éditorial. Yeah. Merci à Mathieu Plante. On t'écoute tous les matins de semaine à Assemblage requis, surtout le mercredi, parce que moi aussi, je passe là. Le mercredi après-midi pour ton Mathieu Plante Show et le jeudi, c'est le jeudi, les palmarès. Non, c'est palmarès, le mardi. C'est le mardi, les palmarès. Et l'alarme qu'il y avait là, c'était pour me dire de repartir l'ordi après votre émission. D'ailleurs, d'accord. Pour une fois, tu l'oublieras pas. Il faut le savoir, ça aussi. Le tout, d'ailleurs, accompagné de Tania Baudin, qu'on salue. Surtout, merci à toi, cher public. Nous serons en rediffusion samedi 9h et de retour jeudi 13h pour une toute nouvelle émission. Bonne semaine. Ah, mais d'ailleurs, je tiens aussi à remercier notre public qui est là vraiment à côté de nous. Bonjour, mesdames. On a deux jolies dames sur des chaises qui nous regardent et qui nous encourage depuis le début. C'est mieux que deux chaises sur des filles. Oui, effectivement. Ça devrait être drôle de... Merci et à la semaine prochaine. On vous aime. Vous êtes assez, vous êtes assez. Vous êtes assez. 89.1. Vous êtes assez fou pour l'écouter.